dimanche, la joie et le bonheur. N'hésite pas une seconde à nous offrir ton cœur. Et pourtant dans tes yeux bleus, cette lueur mélancolique, on voudrait effacer la fin de te voir sourire. Et pourtant dans ta vie, tu as eu des malheurs et la rage de t'en sortir malgré toutes tes peurs. Je me souviens souvent lorsque tu étais encore une enfant, de ton sourire divin que tu as gardé maintenant. Personne n'avait pas mérité, non. Mais ce n'est pas une honte d'avoir le pressentiment, car ce ne sont pas des fêtes qui s'envolent au souffle du vent. Mais aujourd'hui dans ta vie, il y a quelqu'un qui t'aime pour te donner du courage et partager tes peines. Pour savoir où va ton cœur. Vois-tu depuis tout ce temps, moi je ne connais pas.